Bonjour. Bonjour Béatrice. Je vais commencer cette interview par la première question qui est: quel est ton nom et où est-ce que tu te trouves en ce moment? Alors, je m'appelle Vanda Duvivier et là maintenant, je suis dans mon cabinet de thérapie qui se trouve à Sainte-Anne. Alors, Sainte-Anne en Guadeloupe, pas Sainte-Anne l'hôpital, Sainte-Anne en Guadeloupe. Voilà, où je réside. Alors, Vanda, qui tu es comme personne, c'est-à-dire quels sont tes intérêts, tes passions, tes qualités, ce qui fait que tu es toi? Alors, qui suis-je aujourd'hui? Parce que tu me poserais la question tu me l'aurais posée il y a 10 ans, ou tu me la poseras dans 10 ans, la réponse aura, j'espère, bougé, aura, j'espère, évolué. Donc aujourd'hui, qui je suis une femme de 46 ans, gestalt-thérapeute. Je pratique depuis plus de 8 ans. Je suis dans ma 9e année de pratique ici en Guadeloupe. J'habite la Guadeloupe depuis 22 ans, au départ par hasard et puis très rapidement par cœur, et avec un amour profond pour les Guadeloupéens et la Guadeloupe. Voilà, je suis maman de 2 filles qui ont 20 ans et 17 ans, donc 2 jeunes femmes même. Voilà, je vis avec François depuis 25 ans, 26 ans maintenant. Voilà, mes centres d'intérêt depuis une dizaine d'années, c'est principalement la gestalt. La gestalt, l'accompagnement, la participation au collectif, je pense que ça peut me définir. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour le bien commun, pour le collectif. J'ai toujours été en association, aussi bien enfant avec mes parents que depuis 20, 25 ans. J'ai fait partie d'associations, qu'elles soient sportives, musicales, politiques, sociales. Aujourd'hui, je suis membre de 3 associations. Voilà, ça aussi, ça peut me définir. Une association ici en Guadeloupe qui s'appelle Métis Gouas, qui est une association qui promeut le cirque et l'art vivant. Voilà. Donc, ça, c'est passionnant. J'aime beaucoup les arts, j'aime beaucoup le spectacle vivant et particulièrement le cirque contemporain. Donc là, je suis vraiment background, hein, je ne suis pas du tout circassienne, mais plus dans la gestion, dans l'administration. Voilà. Je suis secrétaire un peu de paille, un peu de papier de cette association, mais membre très soutenante. Je suis également bénévole sur une ligne d'écoute qui s'appelle Voix Arc-en-Ciel, qui a été créée ici en Guadeloupe il y a 1 an et demi. Et nous avons une ligne téléphonique 24/24, 7 sur 7, qui est destinée aux populations LGBTQ+, et à leurs familles, à leurs proches. Voilà, donc nous sommes une quinzaine de bénévoles à nous partager la ligne, et puis nous intervenons autant que possible dans les lieux publics, dans les médias. Pour notamment lutter contre l'homophobie et la transphobie. Voilà, et puis ouvrir les mentalités, ouvrir les esprits, faire du vivre ensemble. Voilà. Et puis enfin, la dernière association dont je suis membre s'appelle Kumbit Femmes Caraïbes. Alors, Kumbit, c'est un mot haïtien qui veut dire collectif, justement, et Femmes Caraïbes, ce sont les femmes des Caraïbes. Et donc cette association qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an, maintenant, réunit uniquement des femmes de Guadeloupe, de Martinique. On ouvre aussi à Haïti. Nous avons des membres qui sont également en métropole. Et ce sont des femmes au profil différent, mais avec une implication dans la vie sociale et Politique, non. Il n'y a pas de politicienne là, que j'y réfléchis. Mais voilà, des femmes qui ont envie de ben là aussi, et de promouvoir les femmes et de s'inscrire dans leur défense. Voilà, donc depuis un an, on a réalisé différentes actions. Alors, avec le Covid, hein, évidemment, donc plutôt des actions vidéo, un webinaire sur des questions. Alors, on a fait un webinaire qui était passionnant, que je vous recommande, qui s'appelle Déconstruisons le mythe du poteau mitant. Donc, le poteau mitant étant une figure féminine des Antilles. Voilà, et puis nous avons une première saison sur la lutte contre les violences envers les femmes et les filles. Donc, voilà aussi dans mes centres d'intérêt. Ça, c'est très important, la militance et l'engagement pour tous. Voilà. Voilà ce qui me définit. Après, je fais un petit peu de sport, je fais un petit peu de plein air. J'aime beaucoup être maman. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui m'occupe, qui m'a énormément occupée, passionnée, captée complètement. Et puis ben là, cette année, ma grande fille est partie déjà depuis 3 ans et la deuxième s'en va, donc elle aussi en hexagone pour poursuivre ses études. Et c'est un passage important dans ma vie. Voilà, c'est un cap important. Et là où j'avais beaucoup d'angoisse anticipatrice ou de choses comme ça, ou de projection un peu terrible pour moi dans ma vie de maman, mais là je suis en train d'ouvrir à une ce que j'appelle une troisième vie, donc que j'espère réjouissante, riche, avec aussi d'autres projets qui arrivent à moi et j'en suis ravie. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je me définis encore? J'aime beaucoup apprendre. J'amuse beaucoup mes amis qui me disent « Tu es encore en formation ?» Voilà, cette année, je suis un DU en sexologie. Voilà, parce que j'aime ça. Et donc, l'examen aura lieu en octobre et je suis déjà en train de me dire « Bon, et après ?» Et la prochaine, c'est quoi? Voilà. Et tes qualités, Tu dis beaucoup tes intérêts, mais tes qualités, c'est quoi? Je pense que c'est l'engagement, le sens de l'engagement. Voilà, je suis quelqu'un qui aime être en tout pleine dans cet engagement, d'être. J'accepte avec beaucoup de simplicité ce que ça veut dire d'être engagé, ça veut dire aussi les contraintes qui s'y rattachent, les disponibilités qui sont nécessaires, la présence, la curiosité, voilà. Donc, mes qualités, c'est, enfin, je vais dire celle-ci, avec aussi une qualité que j'aime tout particulièrement et que j'espère sera reconnue, c'est la fidélité. Voilà, je suis quelqu'un de très fidèle. Et puis, j'aime beaucoup rire. Voilà, je crois que ça aussi, c'est une grande qualité. Et plus on la partage, mieux c'est. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup m'amuser, faire de la rencontre. Voilà. Et quelles sont les personnes qui ont le plus impacté, eu de l'influence sur toi en tant qu'être humain? Ça peut être oui, des personnes, ça peut être aussi peut-être une situation. Alors, il y en a bien sûr beaucoup, et il est difficile d'en citer que quelques-unes. Celle qui me vient en tout premier lieu, c'est ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère paternelle, Arlette, qui m'a beaucoup aimée, que j'ai beaucoup aimée, que j'aime encore beaucoup, qui nous a quittés malheureusement il y a longtemps maintenant, mais qui m'a ouvert à la diversité. Parce qu'elle pouvait être aussi bien aussi bien croyante, avec une pratique qui lui était très très personnelle. Donc il y avait aussi bien la Bible chez elle qu'il y avait des cartes de divination, qu'il y avait toute une... Voilà, elle était dans ce qu'ici on appelle le mystico-religieux. Hein, et ça, c'était... J'aimais beaucoup comme elle arrivait à mixer tout ça. Voilà, à mixer des choses qui pouvaient sembler opposées ou ne pas pouvoir se marier. Et voilà ce qu'elle m'a appris, à marier, à réconcilier, à faire vivre ensemble des... Alors, on dirait des polarités en Gestalt, mais des intérêts, même des humeurs différentes. Être à la fois très douce et parfois très, très dure aussi. Voilà, s'intéresser à beaucoup de choses. Et c'était une femme qui riait aussi beaucoup. Voilà, première femme de ma vie. Ensuite, bien sûr, je te citerai mes parents. Voilà, mon père qui m'a donné le goût du collectif. Le goût de cette intégrité, de l'engagement aussi, c'est un homme très engagé. Et puis, bah, différents professeurs que j'ai croisés. Tu me parlais d'événements et quand tu m'as dit ça, l'événement qui m'est venu, c'est un voyage que j'ai fait en Pologne quand j'avais une quinzaine d'années. Voilà, ma mère est d'origine polonaise et il s'y rendait tous les ans avec mon père et ils m'ont emmené une fois, un été. Et ça a été un voyage qui a effectivement été un très très marquant et un tournant dans ma compréhension du monde tout ado que j'étais, par notamment deux visites. On est allé visiter le camp de Auschwitz. Et alors ça, c'est... J'imagine que c'est pour beaucoup de monde pareil, mais j'étais pas tout à fait la même personne ni la même adolescente à l'entrée et à la sortie. Voilà, confrontée à l'horreur, confrontée à la détresse et aussi à la solidarité très très forte. Et puis la deuxième visite, c'est dans une ville qui s'appelle Częstochowa, qui est une ville sainte. Et où là, j'ai vu se confronter, mais véritablement, j'ai vu la misère être écrasée par le tout-pouvoir et par les tout-puissants de l'Église catholique polonaise. Hein, à l'époque, le pape était polonais. Et ça a été aussi extrêmement marquant dans ma volonté d'être engagée, justement, comme je te disais tout à l'heure, et de prendre parti, et de ne pas simplement assister, visiter le monde comme une touriste, mais voilà quoi, m'y mettre, et puis porter mon discours, porter mon, à la fois mes états d'âme, mais aussi une forme de pas d'accord avec des institutions ou voilà. Après, beaucoup d'autres personnes ou beaucoup d'autres événements m'ont marqué, mais là, tu me poses la question, c'est ça qui me vient. Certainement en résonance avec, en écho avec ce que je te disais de la place de l'engagement. Je crois que ça vient de là, en fait. Il y a quelque chose qui commence à se dessiner justement des polarités. Tu racontes pas mal de polarités, assez, peut-être pas extrêmes, mais bien, bien éloignées. Ce qu'elle suscite en toi et l'engagement. Est-ce que ce serait pour les marier, les réduire, aller vers quelque chose de plus moins extrême, de chercher une voie du milieu où tout pourrait être un peu plus harmonisé? Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça? Oui. Alors, c'est sûr que le terme extrême, moi, est toujours quelque chose qui m'a fait peur et qui m'a beaucoup inquiétée. Hein, qu'on parle des extrêmes en politique, des extrêmes en religion, des extrêmes dans tout type de relation. Hein. Lorsque ça devient extrême, ça me semble être souvent dangereux. Après les mariés, moi, il y a un symbole qui me plaît beaucoup et qui me parle depuis très longtemps et certainement aussi depuis l'adolescence. C'est le symbole du yin et du yang. Hein, donc ce rond noir et blanc qui s'épousent et qui s'habitent l'un et l'autre. Et c'est un peu ma vision du monde. C'est-à-dire que le noir habite le blanc habite le noir, on se répond, l'un définit l'autre. C'est le blanc qui dessine le noir, c'est le noir qui dessine le blanc. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose pour moi comme ça de ce mariage, de cette réunion. Voilà. Et quel est ton rapport au pouvoir et au privilège? Alors, j'avais entendu cette question dans les précédentes interviews. Et il se trouve qu'ici, en Guadeloupe, les mots pouvoir et privilège résonnent de manière très particulière, puisqu'on a une histoire, on a une histoire avec un grand H, où le pouvoir des uns sur les autres, des populations opprimées et des dominants, a été fondatrice. Fondamentale, est encore aujourd'hui sous une forme très très différente, bien entendu, mais encore très présente. Donc, et le terme de privilège aussi, notamment là, on l'entend depuis un an ou deux, je crois, cette formule qui parle du privilège blanc. Bon, mais ici en Guadeloupe, c'est une formule qu'on connaît depuis sans doute alors moi, j'y habite depuis 22 ans, mais depuis plusieurs siècles. Donc, ce sont des notions qui sont extrêmement, comment te dirais, tu vois, j'utilise le mot extrêmement, et là, du coup, c'est qui peuvent être très durs, qui disent des choses très dures, qui font scission. Et donc, mon rapport propre au pouvoir, ben, ça dépend si dans ce mot-là, tu parles du mot, le pouvoir, avoir le pouvoir avec ce que ça peut être de terrifiant, parfois même de fanatique, ce que ça peut avoir d'écrasant. Ou si tu parles du verbe pouvoir, hein, le pouvoir être, pouvoir faire, je crois que c'est aussi ce que nous cherchons en tant que gestaltiste à déployer chez nos clients. C'est leur puissance, c'est leur pouvoir, leur saint pouvoir. Donc, ça peut être très ambigu ce mot-là. Je crois que c'est capital le pouvoir. C'est incontournable. Et c'est aussi très délicat et il faut avoir une attention toute particulière sur pourquoi on l'exerce, comment on l'exerce et envers quoi ou envers qui. Donc, je crois que c'est une question que tu as vraiment raison de poser parce qu'elle n'a rien de futile, elle n'a rien de léger. Et aujourd'hui, dans notre organisation mondiale, on voit bien, hein, comme ça nous divise. Ces questions de pouvoir, voilà. Quant au privilège, là aussi, c'est cette même ambiguïté, voilà, du privilège qui sépare, du privilège qui en écrase certains aussi, qui peut anéantir, qui peut fermer les portes. Tu penses aussi, voilà, là tu me dis ça, je pense à ces populations qui sont en migration, qui cherchent à échapper à des pouvoirs dictatoriaux absolument insupportables, dramatiques, et qui vont vers des terres, semble-t-il, plus privilégiées et qui pour autant n'y trouvent pas une place aussi simplement que ça. Voilà, donc ce sont des questions et je suis contente que l'Hexagone s'en empare aussi. Je sais que c'est des. Voilà, je dis moi qui vis en pays noir, c'est des questions qui sont très présentes et depuis longtemps. et qui vont organiser, orchestrer la position de chacun et les relations. Et comment tu vis ton genre? Mon genre. Alors, je suis absolument, simplement et très clairement pour moi une femme. Depuis, je crois que je me sens clairement et de manière très heureuse une femme depuis longtemps. La question du genre, alors là aussi, je me réjouis de cette jeunesse qui s'en empare. J'aime beaucoup toutes les questions qui sont soulevées aujourd'hui autour du genre et de la déconstruction du genre et de l'ouverture à ces genres plus. Hein, comme je te dis, donc je suis dans cette association, dans cette ligne d'écoute LGBT+, mais déjà très intéressée par ça. Je te dis être clairement une femme, mais je n'ai pas la notion du féminin sacré. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu surprise ou dérangée. Je me sens pas femme dans ce que ce serait sacré d'être une femme, justement, peut-être au détriment du genre masculin. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est lorsque on privilégie l'un au détriment de l'autre. Donc, je suis une femme pleinement avec des parts masculines très, très habitées et que j'espère présentes et que j'aime beaucoup. Après, je ne saurais pas dire ce qui est masculin-féminin. Mais oui, c'était la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce que tu attribues au féminin? Qu'est-ce que dans ta représentation, dans ton expérience, qu'est-ce que tu attribues au masculin? Quand tu dis je me suis toujours sentie une femme, oui, c'est parce que en fait, j'insiste un petit peu sur cette question parce que justement, la place des femmes est importante dans tes combats, dans tes engagements. Et donc, je me dis quand même, c'est pas anodin cette question-là quand tu me racontes justement tes combats et tes convictions. Et alors, je sais pas, j'ai envie de creuser un peu plus. Alors, tu vois, dans ce collectif féministe là dont je fais partie, ce qui est pour moi important, c'est pas la lutte ou la promotion justement d'un féminin sacré, d'une féminitude. La féminitude, c'est quelque chose qui me parle pas énormément. Par contre, ce que je constate, c'est que dans les faits, les personnes genrées au féminin, les femmes, sont des personnes qui souffrent de beaucoup d'inégalités, de beaucoup de violences. Donc voilà, mon combat pour aux côtés avec les femmes, c'est pas véritablement un combat genré, mais plutôt un combat de lutte contre les discriminations, contre les violences. Moi, je suis pour un féminisme pardon mixte. Alors, je suis pas toujours d'accord, on n'est pas toujours d'accord avec les copines, mais je n'envisage pas le féminisme sans les hommes. Je n'envisage pas d'être une femme sans les hommes. Le troisième genre tu vois, me donne cette curiosité, cet enthousiasme. Le troisième genre ou troisième, quatrième, cinquième, que ce soit ouvert. Voilà, l'ouverture. L'ouverture. Après, femme, c'est un mot, hein. Qu'est-ce que ça définit pour moi? En quoi je suis heureuse d'être une femme? J'essaye de pas trop m'embrouiller. Je suis heureuse d'être une femme parce que j'ai donné naissance. Tu vois, je te disais que ma vie de maman était très importante. Et ça, j'ai voulu donner naissance depuis l'âge de 12-13 ans, je me rappelle, attendre impatiemment d'être enceinte. Je trouvais ce truc, mais fascinant, fabuleux, de fabriquer un petit être au cœur de son corps, voilà, dans ses entrailles. J'ai trouvé ça incroyable. Donc, voilà pourquoi je me réjouis, par exemple, d'être une femme. Voilà. Après, les hommes, les femmes, c'est un peu toujours dans ce principe du yin et du yang. Je crois que les opposés n'ont pas beaucoup de sens. Les distinguer, pour pouvoir mieux les réunir alors. Voilà. D'après, attribuer aux femmes plus de délicatesse, plus de douceur. Ben, dans ma vie, c'est pas le cas. Moi, je connais des femmes qui sont pas douces et des hommes qui le sont. J'ai la chance d'avoir une clientèle aussi dans mon cabinet qui est très mixte. Donc, de pouvoir être au contact de toutes ces parts communes, de toutes ces parts intimes, qui parlent aussi bien de la douceur, de cette bienveillance, mais aussi de cette dureté ou parfois même de cette malveillance. Et je n'attribue pas systématiquement du tout dans mon expérience de thérapeute ou de personne à des hommes ou à des femmes. Il n'y a rien de systématique pour moi. Comment tu vis ton âge? Très bien. Donc 46 ans. Très bien. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs, j'avais l'âge de 15 ans. J'ai Ah oui. commencé à avoir le visage marqué par les rides ici, là, comme ça, pareil, très tôt. Très tôt, on m'a souvent donné plus d'âge que ce que j'avais. À 18 ans, on m'en donnait 25 facilement. À 25, on m'en donnait 30. Alors, ça pouvait parfois être vexant, et puis en fait, pas du tout. Et moi, j'ai le projet de vivre très vieille. J'ai vraiment envie, j'ai envie de vivre très vieille parce que la vie me fascine, parce que même très vieille, je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc, je me suis mis une date, j'ai demandé une date. Je veux vivre jusqu'à au moins 88 ans. Tu OK. vois, donc, voilà. Donc, 46, je n'ai pas encore fini, il me reste encore beaucoup. Et j'aime beaucoup fêter mon anniversaire. C'est quelque chose que j'aime. Te dire que j'aime vieillir, on pourrait me dire, Vanda, t'exagères un petit peu ou tu dis ça comme ça. Bon. En tout cas, j'aime avoir de l'âge, j'aime vivre chaque année plus encore. Et puis aussi par rapport à mon âge, je trouve que 46 ans, c'est plutôt sympa. C'est ni jeune ni vieux, on pourrait dire. Et pourtant, j'ai des enfants qui rentrent dans l'âge adulte. Alors ça aussi, ça me réjouit beaucoup de ne pas être vieille et avoir des enfants presque adultes. Donc voilà, j'aime beaucoup mon âge. Je me dis que je suis plutôt pas mal pour mon âge, tu vois, ça m'arrive aussi de me dire ça. Puis d'autres jours, je me dis, oh là là, c'est très fluide tout ça. Mais j'aime en tout cas prendre de l'âge, ça c'est sûr. Je ne suis pas dans la terreur de ça. Tout à l'heure, je t'ai demandé quelle situation avait eu une influence sur toi. Enfin, c'était des personnes et des situations. Mais là, j'ai envie de te demander quelle situation, quel événement de vie t'a vraiment construite, a contribué à transformer, à faire l'être que tu es, l'être humain que tu es aujourd'hui, que tu es encore, que... C'est difficile cette question parce que tu demandes de choisir un événement. Or, non, tu peux prendre un ensemble d'événements aussi, et puis c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui a eu un impact sur toi. Et si oui, comment ça a eu un impact sur toi? Alors, des événements majeurs, je peux évoquer mes maternités, voilà, qui ont été des événements majeurs, certains deuils aussi, tu vois, dans la polarité toujours, qui ont été très importants pour moi et qui ont été des déclencheurs, qui ont été des points de départ, des deuils qui ont été en fait des points de départ. Des rencontres, c'est difficile hein, ta question parce que beaucoup de choses me viennent, mais chaque événement tout aussi fort. Tu vois, par exemple, voilà, mon arrivée en Guadeloupe. Mon arrivée en Guadeloupe, elle m'a mise dans la position d'être l'autre. Donc, je suis originaire de France, de région parisienne, où bah, j'étais chez moi, on va dire. J'étais chez moi, j'étais dans là où la famille était, etc. Et tout en étant déjà à l'époque, je me rappelle, en primaire, il y avait Touche pas mon pote. On avait tous là les badges comme Les ça, petits là, avec badges, ouais. voilà, Touche pas mon pote, un peu toutes les couleurs. Donc j'étais avec tout un tas de copains, de copines et la famille aussi dans ces mouvements-là de lutte contre le racisme. Et oui, et on y va, et on va manifester, et on fait des choses, etc. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe et que je me suis retrouvée être l'autre, être l'étrangère, elle, celle qui n'a pas la couleur, celle qui n'a pas le physique, ça a été un tournant dans ma vie. Parce que là, j'ai vécu, j'ai éprouvé des sentiments, des sensations, des émotions que j'avais toujours projetées, imaginées. Je laisse passer la sirène. Voilà, tu vois, ça, c'est un événement qui a été aussi très, très fort. D'être vraiment, véritablement à l'endroit que j'imaginais, que je projetais, que j'avais construit avec tout un tas de trucs. Ben là, j'y étais pour de vrai. Et comment ça se passe? Voilà. Et ça, c'était très, très important parce que tout ce que je m'étais construit intellectuellement, pas C'était forcément. différent d'expérience, ouais. Voilà, a dû être associé à une expérience réelle. Et donc là, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Et Voilà, comment ça t'a impacté, justement? Qu'est-ce que ça a changé en toi de faire cette expérience, d'être l'autre, d'être l'étrangère? Ben là, ce qui émerge tout de suite, c'est l'humilité. Je sortais peut-être, j'aurais pas dit ces mots-là à l'époque, mais je sortais du privilège, je sortais de la place de pouvoir. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'humilité. Ça m'a donné beaucoup de curiosité aussi. Curiosité à qui je suis, en fait, à me revisiter, qui je suis dans ce nouvel environnement. Quel est ce nouvel environnement, comment il est fabriqué et comment il fonctionne. Voilà, donc ça, je crois que ça a excité ma curiosité et mon intérêt, voilà, pour l'environnement et plus seulement l'organisme que j'étais. Je reviens un petit peu sur tes valeurs parce que je t'ai demandé tes qualités, tes passions, mais alors, et tes intérêts. Et tu as parlé implicitement hein, des valeurs hein, comme la fidélité, qui sont une qualité, mais qui sont aussi peut-être des valeurs. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les valeurs qui t'animent et comment tu fais pour les mettre à l'œuvre dans ta vie ou comment tu débrouilles avec ça ouais. Avec l'épreuve de la vie. Bah, je sais pas trop si je vais. J'espère ne pas me répéter, pouvoir apporter autre chose avec ta question. Mes valeurs, voilà, le collectif. Et puis donc cette rencontre avec l'autre, ça nourrit, ça a ouvert, ça a gommé des frontières ou ça a ouvert des frontières. Sur un collectif encore plus vaste, constitué de personnes et d'éléments plus éparpillés, plus. J'aime pas trop le mot différent, je préfère dire singulier que différent. Voilà. Et donc, mais voilà, cette valeur, alors je vais te parler du respect. Ça peut sembler à la fois très bateau et puis en même temps c'est non seulement Ben oui, essentiel mais c'est premier. Absolument. Et tu ne l'as pas nommé comme tel, on le sent dans tout ce que tu racontes, mais je trouve que c'est bien de le dire avec ce mot-là, oui, qui est peut-être une évidence. Je me méfie toujours des évidences, donc c'est bien de le dire Oui, aussi. après, il est souvent galvaudé ou il est utilisé parfois ou à tort ou à travers, ou vraiment à tort. Ou il peut être aussi parfois, je l'entends utilisé comme une arme, comme oui, mais il faudrait me respecter. Enfin, tu vois, je trouve que des fois, il a été saisi de la mauvaise manière. Donc, c'est un mot, non pas dont je me méfie, mais que j'essaye d'ouvrir. Tu vois, quand je parle de respect, bah, c'est l'accueil, c'est l'humilité, c'est la disponibilité aussi, l'accueil, la disponibilité à l'autre, à sa singularité. Voilà, comment je le mets à l'œuvre? Bah, je te l'ai dit de manière associative, mais sinon, au jour le jour, bah, en allant saluer mes voisins quand je les croise, en allant sonner parce que je n'ai pas vu une voisine qui est un peu âgée, ça fait 3-4 jours que je ne l'ai pas vue, bon, bah, je vais aller sonner. Salut, ça va? Vous avez besoin de quelque chose? J'aime bien Donc, il y a ça, la j'habite. sollicitude aussi. Ouais. Je vis dans un petit village, donc Sainte-Anne, c'est une toute petite ville, d'ailleurs on dit le bourg, tellement c'est petit. Et j'ai la chance d'habiter à quelques minutes à pied de mon cabinet. Donc en fait, mon cercle de développement au quotidien ou mon espace de connexion au monde au quotidien est assez restreint. Mais j'aime bien ça parce que ça permet de se connaître plus, de se saluer, de se regarder, de prendre du temps parfois pour aller un petit peu plus loin que le ça va, voilà, je connais les gens de mon quartier, les gens de mon quartier me connaissent et ça me plaît beaucoup. On me demande des nouvelles de mes enfants, je demande des nouvelles des parents, enfin voilà, tu vois. Ah, mais la dernière fois, tu m'as dit que j'aime bien ça, de vivre très en lien. Et alors, comment tu es venue à la gestalt-thérapie? Alors, la gestalt-thérapie, j'y suis venue de simple manière, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait moi une thérapie avec une gestaltiste de Guadeloupe, voilà, qui s'appelle Valérie Desgrais, qui a été ma thérapeute pendant plusieurs années, en individuel et en groupe, avec qui j'ai fait un travail pour laquelle je ne saurais jamais la remercier assez. Voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Et en fait, j'ai été la voir, c'est une amie qui elle-même était et gestaltiste aussi, qui m'a donné ses coordonnées. Et donc, on a travaillé ensemble pendant une année. D'abord, il y a eu un stage qui a été organisé en Martinique à l'initiative de Antoine et Jeanne Maxime, qui sont des Martiniquais gestaltistes formés par les Gingères, donc qui sont des gestaltistes de longue date en Guadeloupe, en Martinique, pardon. Et ils ont organisé un stage qui s'appelait Vivre sa sexualité avec Brigitte Martel et Cailleux et Gonzague Masquelier. Donc, j'ai d'abord une première rencontre avec ma thérapeute, mais je ne voyais pas très bien gestalt, pas gestalt. Moi, j'avais surtout une demande urgente de thérapie. Donc, je ne me suis pas tellement questionnée sur la gestalt. C'est ensuite quand je rencontre donc Brigitte et Gonzague et que je regarde travailler, enfin, avec qui je travaille. J'ai la chance de travailler pendant 2 jours. Oui, c'était 2 jours sur ce thème particulier qu'est la sexualité. Et puis j'ai aimé leur présence pleine, j'ai aimé leur bienveillance, leur douceur. Et puis ce qui m'a beaucoup plu aussi, alors il y avait tout ça, mais ce qui a fait que la gestalt m'a accroché vraiment, d'abord donc avec Brigitte et Gonzague, ensuite c'est Aline Dagu qui est venue quelques mois après faire un stage qui s'appelait la gestion des conflits. et comment chacun pouvait être à la fois très doux, très posé, très psy, comme ça, très figure, et avec un quelque chose de très fantaisiste, de décalé, de hors convention. Voilà. Et ça, ça m'a beaucoup accroché. J'ai aussi eu la chance d'assister à une conférence de Serge Gainsbourg en Martinique. Et ce personnage qui réunissait les deux, quelque chose de très sérieux, de très réfléchi, de construit, et à la fois des anecdotes ou une manière de dire les choses, de se positionner, un regard espiègle, voilà. Donc ça, c'est la rencontre avec la Gestalt, c'est ma thérapeute. Ce sont ensuite ces stages. C'est ma thérapeute qui, après un an et demi, 2 ans, m'a dit: mais est-ce que tu aimerais pas, toi, devenir thérapeute? Ah bon, alors à l'époque, j'étais formatrice. Voilà, je faisais de la formation et de l'accompagnement, puisque beaucoup de bilans de compétences, de VAE, de stages, d'insertion professionnelle. Donc, il y avait déjà de l'accompagnement dans ma posture pro. Et puis elle m'a fait cette invitation que, au départ, j'étais très surprise. Et puis j'avais rencontré Brigitte, j'avais rencontré Gonzague, j'ai commencé à les regarder. J'ai appelé le PG, j'ai eu à l'époque Isabelle Tamperville, le push. Donc à l'époque, c'était Tamperville, le push, avec qui est resté avec moi 1 heure et demie au téléphone. Et ça, c'est pareil, ça a été pour moi très surprenant. Et j'étais très touchée de cette attention, de cette disponibilité, de cet accueil. Donc la Gestalt, c'est ça. Ce qui m'a fait venir, c'est à la fois cet accueil, cette disponibilité et cette place pour le décalage, cette place pour, on dit, le grain de folie ou quelque chose qui soit un peu hors, pas si grave ou solennel que ça. Donc, j'ai fait mon premier cycle en Martinique. J'ai eu la chance de le faire en Martinique. Ça, c'était très, très, très, très chouette parce que nous n'étions une promo que d'Antillais. Alors, Antillaise, moi, je le suis d'adoption, hein, mais voilà, avec des Martiniquais, avec des Guadeloupéens, avec cette culture et cet état d'esprit propre à nos îles, dans le qu'est-ce rire. Qu'est-ce que ça change? Oui, justement, qu'est-ce que ça change, tu trouves? C'est quand je suis arrivée à Paris. Quand je suis arrivée pour mon premier stage à Paris, je l'ai fait, c'était vivre un groupe avec Francis Vanois et Xavier Bonnet-Aymard. Moi, je débarquais, je ne connaissais pas du tout ce stage et j'ai appris que ce stage était parmi les stages les plus raides, les plus percutants, les plus bousculants. Moi, j'arrivais sans du tout savoir tout ça. Et ce que j'ai trouvé à Paris, ce qui a fait la différence, c'est le côté sérieux. Alors, sérieux, c'est pas ça, parce que ça sous-entendrait qu'on ne le serait pas ici. Oui, c'est ça. Or, on l'est tout à fait, mais à la manière du PhD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus sérieux qu'un enfant qui joue. Hein, c'est-à-dire oui. De manière très forte, très engagée, très, très présente, mais ça peut être dans le jeu. Ce que j'ai trouvé à Paris au départ de difficile, c'était une forme de gravité. On était parmi les sommités. Alors peut-être que c'est un peu les clichés ou les poncifs sur les Parisiens et le parisianisme. Je ne voudrais pas non plus tomber dedans. Je suis moi-même d'origine parisienne, donc et j'aime beaucoup Paris, donc ce n'est pas ce que je veux faire. Mais il y avait quelque chose de beaucoup moins... beaucoup moins convivial. Voilà. Voilà. Ce qui fait la différence pour moi ici aux Antilles, c'est cette chaleur, c'est cette spontanéité du contact, c'est cette spontanéité du sourire, de l'accueil. J'ai toujours été très bien reçue à Paris ou à Rennes où j'ai fait ma FAP ou au Hameau de l'Étoile, enfin. Mais Voilà, ce qui pour moi fait la différence, c'est ça. C'est cette chaleur et cette capacité à être tous sur le même plan. Voilà, quand j'ai rencontré des stagiaires. Simplicité. Voilà, une simplicité, une spontanéité, une sincérité, une simplicité à dire je ne sais pas. Une modestie, alors. Voilà, voilà, de l'humilité, la modestie. Ouais. Vous étiez combien dans votre promo? On était, je, de mémoire, parce que ça date de 2009. 2009, oui, 2008, 2009, on était, je dirais, une douzaine, quinzaine. Quinzaine, ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé dans les... Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, non, je t'en prie. Là, tu disais quelque chose, va au bout de ta phrase quand même. Ben, je voulais dire que j'ai fait donc ce premier cycle en Martinique. Il y a eu ensuite un second cycle qui a été ouvert en Martinique, une fève. Et avec tout ce que je viens de te dire là, j'ai fait malgré tout le choix de faire une figue en France. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée en France, c'est avec la figue, qui était une formule qui me correspondait mieux en termes d'organisation et de changer aussi un peu de prêt. C'était sympa. Et j'ai adoré faire la figue, j'ai adoré la FAPROC aussi. Enfin, c'est, ça aussi, tu vois, je peux le citer comme des événements et des rencontres qui ont marqué et construit la personne que je suis aujourd'hui. Oui, je t'ai interrompu, tu commençais avant l'interview de me parler de certains formateurs qui avaient eu un impact sur toi. Du coup, je t'ai dit garde-le pour l'interview parce que c'est important. Et puis du coup, finalement, bah, je tiens, si tu as envie d'en parler, si c'est toujours d'actualité pour toi, bah, voilà, bien sûr. Tu as l'espace là maintenant d'en parler si tu veux. Bien sûr, alors dans Oui, parce que comme je te disais, c'est difficile de citer quelques personnes. Oui. Donc, je suis restée sur une sphère plus intime, mais en gestalt, les rencontres extraordinaires, les rencontres magnifiques au sens propre du terme, c'est-à-dire qui m'ont grandi, qui m'ont donné à aller dans le meilleur de moi-même, je l'espère, ce sont Claudia Gollet, Brigitte Martel, Cailleux, André Divine, Yves Plu, Eva Lechner. Voilà des gens qui ont été des formateurs qui m'ont révolutionné, c'est-à-dire qui m'ont fait faire plusieurs tours sur moi-même et aider à regarder de toutes parts qui j'étais et qui m'inspirent beaucoup, énormément. Qui sont des personnes voilà, que je cite quand on m'en parle. Je dis, ben voilà, moi j'ai la chance d'avoir quelques mentors, comme on dit. Et mes mentors, ben c'est Claudia, c'est André, c'est Brigitte, que je ne vois pas depuis très longtemps et qui me manque aussi beaucoup, que j'espère revoir très vite. Qui, voilà, tu vois, bah, je peux te citer quelque chose aussi qui a été très fort. Lorsque je me préparais à passer, c'est donc Brigitte, je la rencontre d'abord en Martinique. Excuse-moi, il y avait un appel. Oui, c'était ça. Donc, tu disais, alors il faut que tu reprennes un petit peu au début parce que du coup, ça a été un petit peu haché pour nous. Donc, tu disais tu vois, que... Un événement qui te revenait. Alors, c'était quoi cet événement alors, qui te revenait? Ça peut être quelque chose, c'est très, c'est, on dirait un petit événement, mais qui pour moi a été aussi très, très riche, très, très bon, qui m'a fait comme ça, qui m'a beaucoup magnifié. Je me préparais à venir en France pour passer l'écrit professionnel, ma soutenance d'écrit professionnel de fin de cycle. Et j'ai reçu un mail, j'ai reçu deux mails ou SMS, je ne sais plus exactement, d'encouragement. Et c'était Brigitte Martel, que je n'avais pas vue depuis des années, pour qui, de mon point de vue, j'avais existé un petit peu, mais enfin bon, pour qui, tu vois, j'étais repartie, étant dans mes îles lointaines, tu vois, j'ai pas le sentiment d'exister beaucoup dans la communauté parisienne, etc. Tu vois, parce que moi, c'est toujours des passages. J'arrive la veille, je repars le lendemain. Et j'ai reçu un message de soutien et d'encouragement de Brigitte et un autre d'Isabelle, alors Tamperville-le-Peuch. Et ça a été pour moi, extrêmement fort de me dire, elle pense à moi à ce moment important de ma vie, tu vois, et que j'ai, voilà, c'est là encore aujourd'hui, tu vois, j'en suis émue, j'en suis tellement surprise et reconnaissante parce que je suis partie avec ça dans mes valises. Je peux te dire que quand je suis arrivée le premier jour, enfin, quand je suis arrivée soutenir, ils étaient tous là, hein. Je suis pas venue seule, hein. Et ça, c'était. Mais c'est extraordinaire, c'est magique pour moi d'être accompagnée comme ça et d'exister encore pour ces personnes qui sont si importantes pour moi. Ça a conforté ta valeur et la confiance en toi. Ah bah c'est oui, c'est là tu vois si j'étais de mauvaise foi ou si j'étais pessimiste ou si j'aimais me dévaloriser beaucoup, là j'en avais plus le droit quoi. Là je n'avais là c'était plus possible. Donc tu vois ça aussi quand on a donc, j'imagine qu'on a tous la tentation des fois de se dire oh j'étais nulle là-dessus parce que ça peut être c'est vrai aussi hein. Ben voilà, j'ai mes petits cailloux, mes petits ancrages qui disent, ah oui, là-dessus, tu as été nul, soit. Mais enfin, tu existes pour des personnes que tu admires. Alors, tu dois pas être si nul que ça. Quels sont les concepts de la Gestalt? Parce qu'on parlait au départ de ta rencontre avec la Gestalt, cet état d'esprit, cette façon d'être, un peu spécifique à cette posture gestaltiste. Mais du coup, quels sont les concepts que tu aimes particulièrement ou avec lesquels tu travailles, sur lesquels tu t'appuies, t'attirent le plus? L'époqué. L'époqué, le non-jugement, le non-savoir à la place de l'autre, la suspension de toutes mes projections, ou même si ces projections me servent aussi à faire des hypothèses. J'aime ça, j'aime qu'il n'y ait pas de clé savante dans la gestalt, j'aime la disponibilité, j'aime ce self en cours. Voilà, j'aime le fait que ça se déploie, ça se déroule ici et maintenant et que bien qu'il y ait des... parce que nous appelons des systèmes projectifs, etc., bien qu'il y ait tout ça, il y a toujours la possibilité, le nouveau est réel sans cesse. Et pas savoir ce qui va se passer. Ça, j'aime beaucoup dans Gestalt. Je trouve que c'est une liberté pour chacun, aussi bien le client que le thérapeute. C'est aussi une forme d'humanité, d'égalité entre chacun. Tu vois, il n'y en a pas un qui prend le dessus. On parlait du pouvoir là aussi. Tu vois, j'aime bien ça. Dans l'époque, pour moi, il y a ça aussi. Il n'y a pas d'hiérarchie. Voilà. Après, bien sûr, l'awareness, évidemment, cette présence très forte, mais pour moi, ça va de pair. Voilà, cet accueil, c'est pour moi fondamentalement gestaltiste, et ça fait la différence avec d'autres pratiques. Et qu'est-ce que tu en fais, la gestalt, alors? Comment tu la pratiques? Oui. Bah dans ce petit cabinet déjà. Voilà, je reçois. Alors là, je vais te faire une réponse un peu pratico-pratique. Je ne sais pas Ben trop. oui. Ben oui. Je reçois des adolescents à partir de 13 ans, des adultes, des couples. J'ai également animé un groupe mensuel pendant 2 ans. Et c'était. Quelle expérience, c'était super. C'était quelque chose, voilà, là aussi, de l'ordre de ce être ensemble. Ça, j'ai adoré ça. Ce groupe qui se retrouve tous les mois dans cette intimité qui lui est propre et exclusive. Voilà, j'aimais l'exclusivité aussi du groupe, que nous n'existions qu'ensemble. Voilà, et j'aime ça. Tu vois, tu me demandes, peut-être ça peut répondre en partie là à ta question. Comment je pratique j'aime cet exclusivement ensemble. J'aime qu'on soit dans le cabinet, qui est un peu un laboratoire aussi du reste du monde, de l'extérieur. Mais j'aime qu'il n'y ait que nous. Voilà, le client et moi, avec tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux et celles qui m'accompagnent, soit. Mais là, nous sommes exclusivement, uniquement ensemble et dans, voilà, dans ce point de contact, à cette frontière. Et ça c'est très, très vivant, vivifiant pour moi, très vivant, très, voilà, très, ça donne beaucoup d'excitation, de respiration. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué dans ton parcours gestaltiste, qui ont été forts, qui t'ont demandé de la ressource, ouais, vraiment, qui t'ont demandé d'aller chercher dans le fond, de quoi traverser ça? Alors, il y en a plein, peut-être même tous. Toujours un peu la même réponse. Bon, sinon, alors, des moments très forts en formation où j'ai passé des caps personnels, intimement, ça oui. Des souvenirs de câlins. Voilà, j'ai deux souvenirs de câlins dans mon parcours de formation, deux câlins qui ont été des naissances. Alors, je pourrais te dire comme ça beaucoup de choses. Hein. Je crois, comme beaucoup de stagiaires de l'EPG, la rencontre avec Daniel Grosjean, qui était très marquante, hein, comme beaucoup, voilà, et qui m'a demandé de me mobiliser beaucoup et d'être très, très centrée et d'être très engagée pour pas me barrer, hein, parce que il y va fort quand même. Oui, ça t'a fait hein, peur. Donc, rester là, oh, ça m'a. Alors, tu vois, c'est drôle, je ne rentrerai pas, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais par exemple, Daniel, tu sais, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de travailler avec lui. Oui. Voilà, hein. Il a l'habitude, de ce que j'ai compris, c'est ce qui s'est passé dans notre groupe, dans ce premier jour, d'asséner comme ça des phrases à chacun. Et moi, il m'a dit, tu es un homme. Avec tout ce que je viens de te dire avant, tu vois. C'est hyper intéressant parce que, alors, du coup, on était dans l'autre polarité. Tu vois, donc comment effectivement, je suis un homme et comment je suis une femme. Comment, donc voilà. Par contre, non, l'événement l'événement qui a été très marquant dans ma pratique et je suis contente d'en parler avec toi et de pouvoir du coup faire connaître. Ça a été mon intervention en cellule d'urgence. En fait, il y a 4 ans de ça, en septembre 2017, on a eu un passage d'ouragan ici sur les Antilles qui a été majeur et inouï. Je parle de l'ouragan Irma, qui est un ouragan hors catégorie, donc qui dépasse même les échelles de mesure et qui a complètement dévasté l'île de Saint-Martin. Saint-Martin ayant une partie française rattachée à la Guadeloupe. Et bon, j'imagine que beaucoup, vous avez vu des images, hein, il y a eu en boucle, voilà. Et il a été ouvert une cellule d'accueil d'urgence pour les réfugiés de Saint-Martin à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Et j'ai eu par l'intermédiaire de l'Association des Psys de Guadeloupe, on a tous étaient invités, les psys, à venir bénévolement porter main forte, comme on dit ici, porter manœuvre. Et j'y suis allée et je suis intervenue pendant 10 jours dans cette cellule d'accueil d'urgence immédiate C'était une situation de catastrophe naturelle, hein, une situation à l'aéroport. Les gens n'étaient pas, ces réfugiés-là climatiques n'étaient absolument pas sortis d'affaires parce que c'était juste un aéroport, donc un lieu de transit. Et donc, ça a été très fort dans mon être thérapeute gestaltiste, puisque la gestalt, d'abord, c'était une pratique hors cabinet. Enfin, c'était complètement un autre monde de ce que je connaissais et de ce que j'avais appris. La gestalt dans l'état d'urgence, la gestalt hors cabinet, la gestalt sur une intervention courte et unique, et pas dans un processus long et tranquille ou installé de thérapie. Donc, comment je suis gestaltiste dans ces conditions-là? Ça a été très très fort, ça a été très mobilisant. Ça m'a Mais comment tu étais demandé. gestaltiste, justement? Comment tu es gestaltiste, tu vois, parce que tu le poses comme la question que tu te posais à l'intérieur, mais maintenant que tu as passé l'expérience, finalement, moi, je suis curieuse de voir comment ça a été quoi d'être gestaltiste dans ces circonstances exceptionnelles, en étant dans une forme d'improvisation, ne comptant que sur ton fond, sur ce que tu avais appris. Qu'est-ce qui a émergé de toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as pu voir de toi et de Ah, la gestalt? ce qui a vraiment été fait absolument figure, c'était la présence. Et je crois que c'est là que j'ai compris vraiment, et là encore par l'éprouver, ce que c'était que d'être présent, ce que ça voulait dire. Tu vois, ce mot-là que je rencontrais depuis des années de formation, puisque donc je démarre ma formation en 2008, là on est en 2017. Ça fait 11 ans qu'on me parle de présence, que j'entends, que je lis sur l'awareness, beaucoup de théories, que je l'expérimente au cabinet, que je l'ai été en tant que cliente, mais aussi en tant que thérapeute. Mais bon, mais là, pour la première fois, je comprends, je sens complètement dans tout mon corps, dans tout mon être, mon cœur, tout ce que je suis, je comprends. Au sens de goûter, savourer, prendre à l'intérieur ce que c'est que d'être présent. Présent, donc comme je disais tout à l'heure, sans jugement, sans a priori, sans savoir ce qui s'est passé avec des images, avec une culture aussi, hein, du cyclone ici, quand on habite en Guadeloupe, on sait ce que c'est qu'un ouragan, ce que c'est qu'une catastrophe naturelle, hein, ça fait partie, non pas du quotidien, mais de notre fond. Et voilà, et là j'ai pu vivre cette présence très forte, très entière et en mesurer l'effet, si je peux dire, en mesurer avec ces personnes que j'ai croisées, que j'ai rencontrées, avec qui j'ai partagé, avec qui on a vécu. Même des fois 10 minutes, hein, puis des fois 2 heures et demie, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Ben là, voilà, j'ai vécu ça, leur présence à la mienne et ma présence à la leur. Et ça, c'était complètement inouï et là aussi extraordinaire. J'ai écrit mon article de troisième cycle porte là-dessus, sur mon intervention. Et ce que j'ai pu en comprendre en termes théoriques sur le cycle du contact, sur ce qu'on pouvait proposer en tant que gestaltiste, d'être dans l'ici et le maintenant, d'être dans cette époquée. Voilà. Et ça reste très présent. Et ça a vraiment bouleversé ma pratique en cabinet. C'est-à-dire que, bon, comme je te dis, hein, c'est la présence qui m'a. J'ai fait un stage de présence, entre guillemets, je pourrais presque dire, un stage intensif. Mais j'ai aussi contacté l'urgence. Et depuis, dans les séances individuelles au cabinet avec des personnes que j'accompagne depuis parfois longtemps, plusieurs années, etc., ou même la première fois, je garde comme ça près de moi, on dirait en fond, cette notion d'urgence. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, on est dans une forme d'urgence ici et maintenant, c'est l'urgence. Qui ne veut pas dire précipitation, hein, qui ne veut pas dire tout défoncer, tu vois, ce n'est pas tout à fait cette urgence-là qui nous pousse à aller, je te dis, de manière précipitée. Mais l'urgence qui dit, c'est ici, c'est maintenant, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas dans 5 minutes, c'est là. Voilà. Ça a posé ça pour moi. J'aime beaucoup la différence que tu fais entre urgence et précipitation. Pardon, je t'ai encore coupé. Non, c'est moi qui parle tout le temps, peut-être aussi. Non, non, mais c'est super. Du coup, ça mobilise parce que ce que tu dis à propos de cette urgence de l'ici et maintenant, moi, ce que j'en reçois, c'est l'intensité. Comme tu vois, tu deviens vibrante quand tu parles de ça, et c'est l'intensité de ta présence qui se manifeste quand tu en parles. Et j'imagine que reçoivent les personnes. De ta part, les personnes qui viennent te rencontrer, qui ont besoin de toi. Et oui, je pense à cette posture-là, oui, qui est théorique, de savoir être là. Mais je trouve que tu me le fais vachement bien sentir quand tu parles dans ces circonstances-là, de l'intensité de la présence, que la notion de c'est ici et maintenant, et parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et ta présence pleine et entière, parce qu'il y a cette urgence qui donne se concentrer de toi, je trouve. Et du coup, je t'ai coupé. Voilà. Non, mais c'est très bon pour moi de travailler maintenant avec cette notion de l'urgence, mais d'une urgence, voilà, comme on vient de le dire, c'est maintenant que je fais appel à toi, c'est maintenant que je viens dans ton cabinet, c'est maintenant que je prends rendez-vous. Tu vois, dès cette première prise de rendez-vous par téléphone, c'est maintenant. Il m'arrive de dire, de ne pas décrocher, bien entendu, hein, parce que pas disponible. Il ne m'arrive pas de dire, d'accord, très bien, ben je vous rappelle. Non, ça, je. Non. Alors, je vais dire, bon, donnez-moi un instant, je vais chercher l'agenda, ou voilà. Hein, mais c'est maintenant que vous m'appelez, c'est maintenant que je dois vous répondre. Et c'est pareil au cabinet. Mais pas, et ça n'a rien de catastrophique, hein, ou on n'est pas dans comme tu dis, hein, là, on dit là la précipitation ou quelque chose de très comme ça, non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est l'urgence peut être très calme, ou peut-être pas calme, ou douce, ou simple, tu vois. C'est vraiment à distinguer. Donc voilà aussi comment je suis gestaltiste. Oui, du coup, la question que j'avais ensuite, c'était de quelle manière la gestalt t'a changé, toi, comme personne. Est-ce que ce que tu dis répond déjà? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu veux que je précise cette question? Mais vraiment, est-ce que ça a changé, toi, la gestalt, pas seulement la thérapie, mais la thérapie gestaltiste, la façon de pratiquer la gestalt, être gestalt thérapeute, mais aussi peut-être ton environnement, ta famille, l'éducation de tes enfants, je ne sais pas, tes amis, ton rapport au monde Tout. Tout. Ça a tout modifié, ça a tout transformé, a changé, ça a tout transformé. Parce que ben, mon approche, ma vision, mon ressenti ont été. Ben, on travaillait avec la thérapie, avec la formation et puis maintenant avec la pratique. Et j'en suis complètement imprégnée. Alors c'est tu disais hein, peut-être la famille ou les amis ou voilà hein, mon compagnon je l'ai déjà entendu dire il y a quelques années mais c'est plus la même ou quelque chose comme ça tu vois ou comment ma pratique gestaltiste a transformé notre vie de famille avec cette notion ben voilà d'urgence, cette notion de présence, cette notion d'accueil très fort. Voilà, comment je te parlais de mes voisins ou des commerçants de mon quartier, comment on se dit bonjour, hein, et on se regarde et on peut être léger ou on peut être très intensément attentif. Voilà. Ce qui me vient. Est-ce qu'il y a une communauté Gestalt? Tu parles beaucoup de groupes, d'associations. Est-ce que pour toi, il y a une communauté Gestalt? Et si oui, est-ce que tu te sens en faire partie? Alors, pour moi, oui, il y a une communauté Gestalt. D'ailleurs, souvent, je dis nous les gestaltistes. Donc, c'est bien qu'il y a une communauté Gestalt qui se distingue des autres formes de thérapie, par exemple. Donc, oui, il y a une communauté. Alors, en Guadeloupe, on est quatre, à ma connaissance, à pratiquer, en tout cas quatre qui viennent de l'EPG. On ne se voit pas très souvent. Je le regrette, j'imagine qu'elles aussi, voilà, la vie, le ci, le ça, il n'y a pas encore, mais je sais que c'était un projet, je sais qu'on en a eu toute envie, on en aura certaines, et on en a encore envie aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fait là. La communauté Guadeloupe, bah, tu vois, la communauté, pardon, gestaltiste, je la vois exister par exemple avec votre initiative Humans of Gestalt. Pour moi, c'est ça aussi, la communauté gestaltiste. Et vous en êtes une très, très belle illustration. Et je trouve que c'est magnifique ce que vous faites. J'en profite pour te le dire et le dire à tes collègues. Mes collègues, ouais. Ah ouais, je vous remercie infiniment de ce que vous faites parce que c'est fantastique de nous réunir. C'est merveilleux de nous mettre comme ça en écoute, en écho, en curiosité encore une fois. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Alors, j'ai pas une suffisamment bonne maîtrise de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol pour les suivre pleinement. Du Mais je russe, t'avoue. du tchèque, maintenant du portugais. Vous n'avez pas fait de traduction et peut-être que c'est très bien comme ça. Ne pas mettre de sous-titres, je pense que ça n'irait pas. Mais j'ai écouté des interviews en italien ou en anglais, en sachant que je n'allais pas comprendre les mots, mais que j'allais comprendre des intentions ou une ambiance. Et c'était génial. Donc la communauté gestaltiste, pour moi, elle existe aussi avec vous. C'est super. Non, mais super, je leur dirai. Ah ouais. Et tu vois, là aussi. Alors, je réponds en même temps, est-ce que j'en fais partie de cette communauté gestaltiste? Bon, bah là, après, apparemment, oui. Tu vois, ce Ben serait oui. difficile pour moi de dire non, non, pas du tout. Je serais un peu. Qu'est-ce qu'elle raconte? Cependant, le fait d'être à quelques milliers de kilomètres des maisons mères, parce que moi je viens de la maison EPG, mais il y en a d'autres que je connais beaucoup moins bien. Hein. Il y a bien sûr, alors je connais un petit peu Gestalt Plus en À Bretagne, Rennes. voilà, à Rennes, il y a l'IFGT, il y a Changé à Lille. Bon, je les connais comme ça de loin parce que j'ai des collègues qui ont été formés. Mais j'en suis loin. C'est-à-dire que ce que j'ai. Allô? Allô? Oui, tu as eu un petit appel. Voilà, que j'ai eu du mal à rejeter. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Donc, tu vois, quand j'ai fait mes second et troisième cycles en France, donc c'était à Paris, à Rennes, et puis les quelques déplacements au Hameau de l'Étoile, etc. Ben, j'ai beaucoup aimé ensuite rentrer en Guadeloupe et laisser ces milliers de kilomètres entre nous, enfin entre nous, entre les institutions, entre les écoles, entre les groupes. Parce que comme je te disais, ce que j'ai vécu en Martinique en premier cycle et ce que j'ai vécu ensuite en second cycle, il m'a fallu m'adapter. C'était pas cette même, on parlait tout à l'heure de simplicité ou ce même mode de relation, de contact. Et ça m'a parfois simplifié la vie de rentrer chez moi. Et de ne pas participer ou de ne pas être incluse dans ce qui pouvait se passer hors formation, hors stage, qui pouvait être... Parfois, je regrettais parce que c'était fort sympathique. Et puis, d'autres fois, il y avait de la polémique, il y avait des désaccords, il y avait des choses comme ça. Et je dois t'avouer que j'étais bien contente d'en être éloignée. Oui, De cette part-là de la communauté, tu vois, parce que la ouais. communauté, c'est plein de choses. Et il y a Ouais. aussi des endroits de la communauté qui sont des endroits de désaccord ou des endroits de conflit. Tu vois, j'étais à l'EPG pendant les passations là, de direction. Je suis arrivée, c'était Gonzague, le directeur. Aujourd'hui, c'est Elisabetta, je crois. Hein, et avec un passage par Isabelle. Enfin, j'ai aimé être loin de ça. Voilà. J'ai aimé être loin de ces conflits apparents, parce que je ne peux même pas dire, en fait, j'en étais tellement loin que... Ou parmi d'autres, tu vois, là, j'en cite, mais c'est pas... Voilà. Donc, le co communauté, oui, et pouvoir rentrer, sortir. Mais vous me manquez beaucoup, souvent. Ils Aussi. vont tous t'entendre, Tu ils vont vois? tous le savoir. Ah, oh, bah écoute, tu vois, je vais faire un petit aparté comme ça et je vais envoyer mes pensées chaleureuses et mon affection à ces personnes que j'ai rencontrées, autant en figue qu'en FAP, que dans différents, en psychopatho, dans les groupes que j'ai pu faire. Là, le dernier groupe que j'ai fait, c'était en septembre avec Fernand Damblard, où j'ai encore rencontré des gens fantastiques. Ça aussi, tu vois, ça aussi, c'est la Gestalt, c'est le PG. Quel cadeau! Quel cadeau! Et puis aujourd'hui, avec ce qui se met en place avec la visio, les jeudis de l'EPG, mais c'est génialissime pour nous les lointains. Tu vois, ces interviews-là en visio, mais c'est génial. Alors du coup, qu'est-ce que tu souhaites, toi? Qu'est-ce que tu souhaites? Comment tu l'imagines déjà? Et qu'est-ce que tu souhaites à la gestalt-thérapie? Autant pour la communauté, pour notre pratique, mais aussi pour toi individuellement. Comment tu imagines la suite, tes projets, tes envies de développement, puisque tu vas vivre très, très, très vieille. Et que tu adores apprendre, j'imagine que tu vas avoir plein de projets, plein de trucs. Donc voilà, je te laisse rêver, fantasmer, dire ce que tu aimerais, tout ce qui te vient. Que j'aimerais, c'est que la Gestalt trouve plus de portes ouvertes qu'aujourd'hui. Je voudrais que la Gestalt soit davantage reconnue et intégrée à notre système de santé et notre système de pensée plus généralement, et que nous ayons plus facilement les portes, les accès. Les accès, alors tu vois, on disait tout à l'heure à l'aéroport, dans les cellules d'urgence, parce que j'y suis allée très spontanément les 2 premiers jours. Posé de problème à personne. Et quand sont arrivées le 3e jour les institutions comme la CUMP, le CUMP, je sais pas comment vous dites, tu vois ce que c'est que la CUMP, la cellule d'urgence Non, pas du médico-psy? tout. Ah La CUMP oui, était, pardon. voilà. Oui, je l'ai toujours entendu en long. Voilà, la CUMP, donc qui dépend du service hospitalier, voilà, du service de santé publique, travaille avec le SAMU. Ben, quand sont arrivés les personnels de la CUMP, tout d'un coup, j'étais plus psy. Tout d'un coup, j'avais plus rien à faire. Donc, il a fallu, je suis restée sur place, mais un peu plus dans la clandestinité. Donc, voilà, ce que je Ça devait souhaite, être moi, violent, ouais. ou ça a été violence 3 minutes, parce qu'en fait, j'étais pas là pour ça. J'étais là pour faire contact, j'étais là pour accueillir, pour accompagner. Donc, encore une fois, les conflits, les polémiques sur t'as ton badge, t'as ton certificat, t'as ton ci, t'as ton ça, ça a été vite, vite remisé, quoi. Mais voilà, ce que je souhaite à la Gestalt, c'est qu'elle sorte de la clandestinité dans laquelle elle me semble être un petit peu, de moins en moins, qu'on ait plus facilement accès à l'hôpital, à la prison, à l'école, à toutes ces organisations et qu'on puisse travailler en tant que gestalt thérapeute certifié sans passer par le diplôme de psychologue, clinicien, machin, machin, et les numéros Adélie, et les ceci, et les cela. Ça, je vais le dire un peu même, un peu plus avec véhémence, ça me gonfle. Voilà, je dis tout simplement, ça me gonfle de devoir toujours montrer mon pédigré, un peu comme ma carte verte, tu vois, si j'étais aux États-Unis. Moi, je sais ce qu'est la Gestalt, la rigueur et l'exigence de ces formations et de ces titres, et ensuite de la pratique, tu vois. Avec supervision, avec formation continue, avec thérapie toujours accessible et recommandée, ce que je ne trouve pas forcément chez d'autres praticiens ou d'autres pratiques. Donc voilà, ce que je souhaite à la Gestalt, c'est ça. Parce que, parce que c'est une pratique qui est très juste, qui est, je vais même dire, noble dans tout son sens. Et qui doit pouvoir rayonner et se déployer. Là, de travailler en cellule d'urgence, tu vois, c'était ça aussi, c'était dire, ben, la Gestalt, elle a sa place là aussi. Voilà. Dans mes projets, tu vois, dans mes projets, je voudrais faire de la... Alors, je dis formation parce que j'ai peut-être pas encore bien trouvé le terme, mais de la formation, la sensibilisation, je sais pas comment il faut le dire, auprès des personnels de police et des personnels de justice quant à l'accueil, l'orientation et la prise en charge des victimes d'abus sexuels et notamment des mineurs. Et je voudrais le faire en tant que gestaltiste. Je n'ai pas envie de me déguiser en autre chose. Bah, tu vois, pour toucher la communauté médicale, j'en ai parlé avec différents médecins, gynéco, généralistes. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous savez alors de la prise en charge? Qu'est-ce que vous savez de ce public particulier, des traumas? Qu'est-ce que vous savez du développement du psychotrauma, etc. Ben, j'ai le regret de dire que tous m'ont dit rien d'autre que ma connaissance personnelle. Il n'y a aucune formation, il n'y a rien. Et quand un gynéco n'est pas en mesure de recevoir la parole d'une victime d'abus, pour moi, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, je voudrais, voilà, intervenir en ce sens. Bah, pour ça, je passe un DU de médecine pour avoir une petite carte, un petit ticket pour pouvoir rentrer dans le métro, tu vois. Bon, je joue le jeu, mais voilà ce que je souhaite. C'est... On soit plus accueillis, que les portes nous soient ouvertes. Je crois que je suis arrivée au bout des questions que j'avais à poser. Je suis en train de réfléchir. Pendant que je réfléchis, si j'en ai éventuellement oublié une, est-ce qu'il y en a une que je n'ai pas posée, à laquelle tu aurais aimé répondre? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter qui te vient maintenant? Après tout cet entretien, c'est des choses qu'on a dit au début que tu veux enrichir ou... Ce que je ressens là tout de suite, c'est je n'avais jamais ressenti aussi fortement, mais de faire partie de la communauté. Tu vois, voilà. Ce que jusqu'à présent, jusqu'à notre rencontre, là, cet échange, je n'avais pas senti aussi fortement et j'en suis très contente. Touchée et très heureuse. Voilà. C'est super. Écoute, je suis très heureuse de t'avoir rencontrée parce qu'on ne se connaissait pas. Pardon, tu voulais dire quelque chose? C'est encore coupé. Non, j'allais renouveler mes remerciements à Humans of Gestalt, à votre initiative. que je trouve génial. Voilà. Mais j'ai envie de le dire, je le pensais, mais le dire aussi. Je trouve que c'est génial votre ouverture et que vous veniez à nous comme ça. Parce que moi, tu m'as contacté par mail, on ne se connaissait pas, comme tu viens de le dire. Et oui. C'est génial. C'est super. Moi, j'adore aussi, j'adore rencontrer grâce à cette initiative de Heather et Camilla à l'origine. Bon, on est plusieurs maintenant. Oui, je suis très, très contente de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées par ailleurs. Et effectivement, pour moi, ça change aussi parce que je suis aussi, moi, je travaille par vidéoconférence au fin fond de ma campagne française, mais de me relier comme ça par la visio et de me rendre compte de la diversité, de la richesse des personnalités qui exercent avec la Gestalt, et puis la diversité des pratiques, des cultures, et comme tu disais, à travers le monde. C'est extraordinaire de voir qu'il n'y a pas aussi une Gestalt, que c'est une théorie et une pratique vivante, mouvante, sans cesse enrichie par des expériences humaines, par des praticiens qui sont là avec leurs clients, avec leurs formateurs. Et que voilà, on est vivant, on se pose des questions, on a des doutes, on a des conflits, on a des choses à améliorer, on a des désirs, on a des souhaits, mais on est un organisme vivant. Voilà, c'est ce que je me disais, tu vois, en t'écoutant, et combien le tout est plus que la somme des parties que nous formons tous. Bon, bah écoute, je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et avec plaisir pour un petit café de temps en temps. À bientôt, Vanda. Salut, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer. Bye bye. Bye bye.